Less than a star. Alphaville Forever Young avec deux solos de synthétiseur. Are you ready? Merci. Voici une version Alphaville avec Donati et Mr. Z. Tu veux faire la batterie ou non, Donati? Ok, tu fais le solo alors. Version de Alphaville avec Donati au synthé et Mr. Z au synthé aussi. C'est un peu fort. Là, je vais la relancer. Je vais la relancer. J'enlèverai la drogue si tu veux faire la drogue. Bon, une version avec Donati à la batterie. Vas-y, je t'en prie. Less than a star, less than far away. Heaven can wait, we only watching the sky. Hoping for the best, but it's been to you the world. And gonna drop the bubble now. Less a day on, less a time forever. We don't have the power, but we never said never. Sitting in a sandpit, life is a short dream. And music for the sad man. Praising the laser, we're getting to. Il est un peu trop là. Essaye de faire le solo en vrai pour voir. Le solo original, t'arrives à le faire. Bah, j'ai pas beaucoup de temps, hein, les gars. C'est facile, les accords. Tu peux me faire les nappes ? Est-ce que tu peux me faire les nappes ? Faire la basse. Bon, j'aurai pas mon cadeau d'anniversaire. Hein. Je l'aurai pas. Ouais, c'est pas grave. Je n'aurai pas mon cadeau d'anniversaire. C'est pas compliqué. J'ai pas les accords. We'll be right back.